Aujourd'hui, dans Affaires sensibles et au regard de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, retour en Crimée, un territoire annexé en juin 2014 par Vladimir Poutine, qui précise à ce moment-là, annexé, non, récupéré. Comprenez que ce n'est ni la même grammaire, ni le même point de vue. Car la Crimée, comme le Donbass d'hier ou l'Ukraine d'aujourd'hui, est l'un des points névralgiques russes, une obsession qui provoque invariablement des crises internationales et, en l'occurrence aujourd'hui, une guerre. Comment en est-on arrivé là? D'où vient l'acharnement de Vladimir Poutine à s'emparer de l'Ukraine, à menacer l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis? Quel intérêt trouve-t-il à miser sur la surenchère, quitte à subir de lourdes sanctions internationales décidées par les pays occidentaux et apparaître comme l'homme à abattre? Et les peuples, eux, sur place, qu'en pensent-ils? Eux qui parfois, comme en Crimée, votent pour le potentat russe. En deux mots, à qui profite le crime? Notre invité aujourd'hui, Pierre Aski, journaliste, spécialiste de l'actualité diplomatique, chroniqueur sur France Inter tous les matins à 8h15. Affaires sensibles, une émission de France Inter, connectée cette semaine à l'actualité. Récit documentaire Sophie Bobert, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La journée de la Russie est une fête formidable. Et je me sens ici comme chez moi. Je vais scander avec tout le monde « Hourra la Russie !» pour acclamer notre pays et faire qu'il soit encore plus fort. La Crimée nous a toujours appartenu, sauf quelques années. C'est notre patrie. Oui, c'est notre patrie. Été 2021. Le couple Yakovlev, originaire de Moscou, se laisse filmer pour le documentaire « Crimée, vacances en territoire annexé » diffusé sur Arte le 13 septembre dernier. Ici, la jeune Nastia exprime sa joie de passer ses congés sur les bords de la mer Noire, sa joie, sa fierté aussi. Bien, sauf que ce territoire a été annexé par la Russie en 2014. Un geste que la communauté internationale condamne et qui vaut en retour à la Russie de lourdes sanctions économiques. Alors pourquoi chaque année, des milliers de Russes se rendent-ils sur ce territoire en crise? À première vue, la réponse est simple. Ici, en Crimée, nul besoin de visa ni de test Covid. Et puis le climat est méditerranéen, les lagunes peu profondes face aux hôtels de luxe. D'ailleurs ici, les gens ne parlent pas de politique. Non, plutôt de la douceur de vivre, l'ampleur des investissements ou le feu d'artifice prévu pour le 12 juin. Lors de la traditionnelle fête de la Russie. Une date dont Vladimir Poutine avait dès 2001 souligné l'importance en déclarant « Elle marque le début de la nouvelle histoire de notre État, l'histoire d'un État démocratique fondé sur les libertés civiles et l'État de droit. » L'État de droit. Ici, les Russes aiment y croire. Peu d'entre eux s'alarment du fait que là, tout près des plages, des navires de guerre montent la garde, ni que des orchestres militaires jouent des airs de pop russe sur le port. C'est normal, c'est festif. En outre, il y a le fait que Moscou rembourse à ses compatriotes 20% de leurs frais d'hôtel et de leurs billets d'avion. Alors comprenez, c'est tentant. D'autant que la Crimée est désormais liée par voie aérienne directe à 50 villes russes. De toute façon, depuis 2014, on ne peut y entrer que par la Russie. L'Ukraine voisine est devenue trop dangereuse ou trop rancunière, c'est selon. Cette route qui paraît interminable conduit tout droit à Sébastopol. 30 km avant notre arrivée, nous sommes ralentis par un barrage filtrant. Et visiblement, il ne s'agit en rien d'un contrôle de police. Tu viens de Kiev? T'as des armes? T'as quoi dans ta voiture? C'est bon, lui, je le connais, laisse-le passer. Armes à la main, ces hommes se présentent comme des militants pro-russes. Pour eux, chaque véhicule est suspect. Les remorques systématiquement fouillées. Une terrible méfiance qui s'immisce dans la géographie de ce territoire, à travers ses routes, sa grammaire et son histoire. Situé au sud-ouest de la Russie et doté d'une superficie de 27 000 km², soit à peine plus grande que la Sicile, la Crimée est une langue de terre collée à l'Ukraine. Et soyons francs, sur une carte du monde, elle est assez insignifiante. Mais en réalité, cette péninsule monte la garde entre la mer Noire et la mer d'Azov. Elle joue donc un rôle clé dans les relations nord-sud, une position de tout temps hautement stratégique. De là, sous l'Antiquité, on rejoignait Athènes, Constantinople, Rome. La Crimée connaît ainsi une grande prospérité qui engendre l'arrivée des Russes, les futurs Russes, en 988, conduits par le prince de Kiev, Vladimir, celui-là même qui convertit la Russie au christianisme. Kiev est alors baptisé le berceau de la Russie. Puis viennent les Tatars, les Ottomans, jusqu'à ce qu'en 1783, la Russie ne l'emporte définitivement. C'est à cette époque que la Crimée, appelée Nouvelle-Russie, devient la fierté de la famille impériale. Elle y prend ses quartiers d'été sous le soleil. En somme, au XIXe siècle, Yalta est à la Russie ce que Nice est à la France, une sorte de riviera et un enjeu de mémoire. Mais bientôt, la révolution bolchevique replace la Crimée dans le giron de l'Est. Fini l'acquaintance avec les riches familles européennes. Durant les années de plomb du stalinisme, la voilà qui partage le sort peu enviable des régions agricoles, collectivisées et affamées. Mais c'est surtout en 1954, soit un an après la mort de Staline, que se noue l'imbroglio dans lequel se trouve la Crimée actuellement. Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne ? Divinisé par ses fidèles, honni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs ? Eh bien, ils feront de leur mieux, et parfois de graves erreurs. Comme Khrouchtchev, qui à l'issue d'une soirée de beuverie, et tandis qu'il célèbre le 300e anniversaire du traité de Pérez-Yaslav, qui scelle l'union de l'Ukraine à la Russie, décide d'offrir la Crimée à l'Ukraine, qui n'en demandait pas tant. Un geste fatal. Sur le moment, dans la réalité soviétique, cela n'a guère de conséquences, puisque les ordres viennent toujours de Moscou. Mais avec l'effondrement de l'URSS en 1991, tout change. L'Ukraine en liesse doit désormais exercer sa souveraineté sur une Crimée largement russophone. Seuls les descendants des Tatars se réjouissent, c'est peu. Ce qui inquiète Mikhail Gorbatchev, qui de toute façon prémonitoire, met en garde les Ukrainiens de prochains putsch à venir. Le président russe Boris Yeltsin a reconnu l'indépendance de l'Ukraine. Cette désintégration politique accélérée de l'ex-URSS inquiète, c'est le moins que l'on puisse dire, Mikhail Gorbatchev, qui a fait parvenir aujourd'hui un texte particulièrement alarmiste aux députés du Soviet suprême. La destruction, écrit-il, la destruction de l'Union risque d'avoir pour conséquence des conflits interethniques et interrépublicains, et même peut-être des guerres. Dans une interview accordée à la Gazette littéraire, le numéro 1 soviétique dramatise encore un peu plus en évoquant la possibilité d'un nouveau putsch organisé, selon lui, par le complexe militaro-industriel et par l'appareil du PC. En ce début des années 90, monte une étrange petite musique côté Crimée, le désir d'être rattaché à Moscou. Or, les conventions internationales l'interdisent au regard d'un décret datant de 1986 qui assure l'intangibilité des frontières. Un scandale aux yeux des Russes. Une ingérence insupportable. Alors, début 1994, certains leaders pro-russes décident d'organiser des élections. Le gagnant, Yuri Meshkov, bien sûr. Parce que farouche allié des Russes. Mais Boris Yeltsin, alors au pouvoir, s'est engagé à assurer la transition la plus légale et la plus fluide possible dans le respect du droit international. Pour lui, ce n'est qu'une affaire intérieure ukrainienne. Une victoire en tout cas pour Kiev, qui reprend le contrôle de la situation. Mais cette Ukraine peine à réaliser sa transition démocratique. C'est que le pays a subi de plein fouet toutes les horreurs du XXe siècle. Une véritable chambre d'écho du pire. Et puis, il y a eu toutes ces fractures internes. L'Est est russophone, orthodoxe, alors que l'Ouest est pro-Europe et gréco-catholique. L'Union est difficile, le roman national improbable. Et que dire de ses dirigeants ? Les présidents Kravchuk puis Kouchma sont si faibles. En quelques années, l'économie du pays s'effondre, minée par l'inflation et la dette, alors que le pays était surnommé le grenier à blé de l'URSS. Enfin, il y a ces oligarques qui en font trop. Trop de capitaux placés sur des comptes offshore, trop de détournements des matières premières et des métaux, trop de trafic en tout genre. À l'Ouest, cette Ukraine en faillite morale et économique devient un vrai casse-tête. Pas de quoi susciter un grand désir, pour reprendre le terme de Lionel Jospin, par exemple, à leur premier ministre. Voilà pourquoi les États-Unis tardent à faire entrer ce pays dans l'Alliance Atlantique. Trop dysfonctionnel. Mieux vaut créer des partenariats pour la paix, c'est plus sage. Côté Union Européenne, on joue la montre, tout en ouvrant la porte à la Pologne, à la Hongrie et même aux pays baltes, voisins directs des Russes. Et en 2004, tout s'intègre l'Europe et l'OTAN. On appelle cela le vent de l'histoire, il tourne vite, l'OTAN, et ce matin aux portes de la Russie. Elle n'en est guère ravie, en revanche George Bush lui s'en félicite, il a accueilli les 7 nouveaux pays membres, ex-pays communistes de l'Europe de l'Est et surtout anciens du pacte de Varsovie à l'époque de la guerre froide. Et il s'agit de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Slovaquie, la Slovénie et les 3 pays baltes. En tout donc, l'OTAN comporte désormais 26 membres. Alors l'Ukraine attend son heure. Mais c'était sans compter sur l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, qui met tout en œuvre pour l'en empêcher. Poutine, né sous Staline. Il est le seul enfant survivant d'une famille ouvrière lambda, une famille habituée à se battre. Sa mère, Ivanovna, n'a-t-elle pas résisté au terrible siège de Leningrad, après y avoir été laissée pour morte? L'enfant est donc empreint de cet esprit de persévérance. Et il se passionne, étudiant, pour le principe du commerce de la nation la plus favorisée en droit international. C'est le sujet de son mémoire en droit. Tout en étant officier du KGB, déjà, son logiciel est donc celui de la guerre froide, de la méfiance, du combat. Alors pour lui, l'avancée de l'Union européenne et de l'OTAN vers l'Est est une provocation. Car enfin, pourquoi l'OTAN n'a-t-elle pas été dissoute en 91 alors que cette année-là, les Russes avaient accepté de dissoudre le pacte de Varsovie? Car ces pays de l'Est, absorbés par l'OTAN, ils faisaient bien partie du pacte de Varsovie entre 1955 et 1991. En pleine guerre froide, ils étaient bien côté Est. Sans oublier le fait que, le 8 décembre 91, c'est avec l'Ukraine et la Biélorussie que la Russie avait signé dans la forêt de Belovdja, près de Minsk, l'arrêt de mort de l'URSS ainsi que la création de ce qu'on appelait la CEI, Communauté des États indépendants. La CEI, un Commonwealth russe? Non, un vrai jeu de dupes. Car si pour la Russie il s'agissait de maintenir un lien de confiance entre voisins, l'Ukraine y voyait juste un cadre permettant de gérer sa séparation avec lui. Que de trahison! Voilà pourquoi les Russes se sentent si méprisés et que Poutine, sentant l'Ukraine jouer double jeu, veut se venger. Un homme comprend le danger d'isoler Poutine sur l'échiquier international. C'est Robert Gates, l'ancien directeur de la CIA et secrétaire à la défense sous les présidences Bush et Obama. Il avait mis la Maison Blanche en garde. Et il le raconte dans son livre Duty, publié chez Vintage en 2014. Avancer si vite après l'effondrement de l'Union soviétique pour incorporer dans l'OTAN des pays qui étaient précédemment soumis était une grave erreur. Tenter de faire entrer la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN allait réellement trop loin. Les racines de l'Empire russe remontent à Kiev au 9e siècle. C'était donc une provocation particulièrement monumentale. Certains vont même plus loin. Dans les colonnes du journal Le Monde, daté du 8 novembre 2005, le politologue bulgare Ivan Krastev affirme que pour Moscou, la perte de l'Ukraine a été une sorte de 11 septembre. Alors Poutine décide de ne pas se laisser faire. Чудо живате віку тільки з тобою, а любити я не можу перед війною. Yeah. А любити я не можу, не можу перед війною. Inter, affaires sensibles. Poutine veut récupérer l'Ukraine et avec elle la Crimée. Mais le peuple, lui, qu'en pense-t-il? Eh bien, il en a assez, le peuple, de cette corruption endémique et de la mainmise de l'Est. C'est donc dans ce contexte de désillusion qu'à nouveau il se soulève et mise ses espoirs sur l'Ouest. En 2004 déjà, la révolution orange avait ébranlé le pays. Puis en février 2014, sur la place Maïdan, une nouvelle révolte signe le rejet des dirigeants issus de l'ancienne nomenclatura et de ceux qui jouent les funambules entre l'Est et l'Ouest, au gré des promesses d'argent que tout s'empresse de détourner. Beaucoup de nos députés sont à la fois des politiciens, des entrepreneurs véreux et des criminels, disait déjà en son temps le président Kouchma. N'empêche qu'ils y croient, les Ukrainiens, à leur révolution de Maïdan. Mais côté Crimée, ce soulèvement agit comme un épouvantail. Ici, on empêche même les manifestants de déboulonner la statue de Lénine. Alors c'est sûr, lorsque le Parlement de Kiev retire aux Russes son statut de seconde langue officielle, cela met le feu aux poudres. Des brigades d'autodéfense commencent même à se créer, notamment à Sébastopol, un lieu qui n'a rien d'innocent. Car cette base de la flotte russe en mer Noire est fortement empreinte d'histoire. Un lieu auquel Moscou tient particulièrement. Tout d'abord parce que durant la guerre, elle avait résisté au siège de la Wehrmacht, gagnant ainsi le titre de héros de l'Union soviétique, au même titre que Stalingrad ou Odessa. En outre, Moscou sait bien que sa base de Tartous en Syrie n'est pas suffisante. Le régime syrien est trop imprévisible. Sébastopol se révèle donc irremplaçable pour garantir la sécurité des gazoducs qui traversent la mer Noire et qui permettent l'exportation de leurs ressources en gaz. Alors, par un traité signé en 1997 et renouvelé en 2010 pour 25 ans, Moscou loue Sébastopol à Kiev, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Cela tombe bien, des Ukrainiens filent droit à la faillite. Disloqué, le pays frôle le chaos, comme le raconte Hélène Carrère-Dancos le 26 février 2014 dans le journal Le Figaro. À travers la crise ukrainienne, Poutine dit à l'Europe qu'il refuse sa marginalisation et qu'il entend être respecté. C'est pourquoi, constatant sa chute économique et sociale, il propose en 2014 à l'Ukraine un prêt de 15 milliards d'euros, ce qui provoque le revirement politique de Yanukovych, qui accepte et décide de tourner le dos à une Europe moins désirante, et ce qui provoque la crise de Maïdan. Insurrection cette fois bien plus violente que celle de 2004, des deux côtés de l'échiquier politique, et envoie des signes tangibles d'une possible dislocation du pays. Une dislocation, comme après un divorce dans une famille qui se partage les biens. Entre un dirigeant russe mégalomane et des dirigeants ukrainiens, comment faire? Trancher, répond Poutine, de la façon la plus fluide possible. À Simferopol, capitale régionale, l'aéroport n'est à l'évidence plus sous le contrôle des autorités ukrainiennes. Cagoulé, armé de Kalachnikov dernière génération, ces hommes prennent possession des lieux, y compris de la tour de contrôle. Ils sont une centaine et ne laissent aucune négociation possible au personnel. Ça fait peur à voir, évidemment. Ce n'est pas normal que ça se passe comme ça, sans décision politique au préalable. Personne ne comprend ce qu'il se passe exactement. Les gens peuvent supposer que Moscou est derrière tout ça, mais il n'y a pas de confirmation d'officiel. Et quand notre traductrice les interpelle directement, pas de commentaire. Ces soldats ne portent aucun insigne sur leur treillis, mais selon le nouveau pouvoir en place à Kiev, ils seraient directement commandés par les autorités russes. Le jeudi 27 février 2014, tôt dans la matinée, des commandos sans insigne s'emparent du parlement de Simferopol, la capitale de la Crimée, drapeau russe hissé. Les dirigeants de Kiev se fichent d'effroi. Le dirigeant Anatoli Mogilyov s'efforce de désamorcer la situation. J'appelle la population au calme. Il faut éviter les rassemblements de masse. Il y a des pourparlers en cours. Il faut que tout soit réglé pacifiquement, déclare-t-il à la télé. Puis il se rend au Parlement afin de discuter avec le commando. Et qui le dirige, ce commando? Les Russes, bien sûr. Une offensive qui radicalise encore plus les manifestants de la place Maïdan, comme le raconte Rudy Guillemin au micro de France Inter. À peine la nouvelle annoncée, la cathédrale Saint-Michel a fait sonner le tocsin, comme lors de l'attaque sanglante des policiers la semaine dernière sur Maïdan. Depuis, à la mairie, on regarde les infos en continu. Beaucoup sont inquiets, paniqués ou craignent une contre-révolution manipulée par la Russie. Mais sur place, les discours sur la place se font à nouveau plus vigoureux également. Et beaucoup se disent prêts à se défendre contre l'invasion. Le groupe nationaliste radical secteur droit appelle ainsi toutes ses unités dans le pays à prendre les armes contre l'impérialisme russe. Une situation résumée ce soir par le très populaire site internet Ukrainska Pravda qui titre « Poutine déclare la guerre à l'Ukraine ». En conséquence, le président par intérim Alexandre Turchynov met en garde les autorités russes. Je m'adresse aux dirigeants militaires de la flotte de la mer Noire en leur disant que tout mouvement de troupes armées sera considéré comme une agression militaire. De son côté, la Russie joue la candeur et assure par Interfax qu'elle n'utilisera pas la force. Et puis soudain, tout s'accélère, comme le raconte le reporter Pascal Verdeau pour France 3. Ce matin, à la surprise générale, le Parlement local de Crimée a demandé officiellement son rattachement aux puissants voisins. Un référendum organisé dans 10 jours devra entériner la décision. À Sébastopol, siège de la base navale russe, les premières réactions semblent plutôt positives. Pour moi, c'est mieux d'être avec la Russie. On aura de meilleures retraites, on mangera mieux. Aussitôt, Vladimir Poutine a convoqué son conseil de sécurité pour examiner la demande de la Crimée. Une réponse positive ne serait pas une surprise. À Bruxelles, où les chefs d'État européens ont réuni un sommet de crise pour trouver une solution, l'annonce a fait grand bruit. Invité, le Premier ministre ukrainien a aussitôt dénoncé un coup de force. C'est une décision illégitime. Et ce soi-disant référendum n'a aucun fondement légal. Aucun fondement légal, oui, mais si le peuple le désire. C'est donc le jeudi 6 mars que le Parlement de la République autonome de Crimée se réunit à huis clos pour adopter le rattachement de la péninsule à la Fédération de Russie. Bon prince, il décide qu'un référendum aura lieu 10 jours plus tard pour demander à la population de valider ce passage à la souveraineté russe. Et il donne le choix aux soldats de déposer les armes et retourner à Kiev, ou bien de changer de camp et d'intégrer l'armée russe. Bien entendu, on prévoit aussi l'abandon de la monnaie ukrainienne, la hryvnia, pour le rouble, tout en assurant que les pensions et les retraites seront payées grâce à la générosité de la Russie. Le ministère de l'Intérieur tient à la disposition des citoyens des passeports russes. La démarche est simple. On entre avec un passeport ukrainien et on ressort avec un passeport russe. Simple comme bonjour. Et puis il y a aussi ce souci géographique, le fait qu'il n'y a aucune continuité territoriale entre la Crimée et la Russie. Car enfin, comment relier ces deux territoires ? À Moscou, on rêve de construire un pont au-dessus du détroit de Kertch, entre la mer d'Azov et la mer Noire. Un pont immense de 19 km qui réglerait tout. Cela coûterait cher, bien sûr, mais, contrairement à Kiev, Moscou a les moyens d'investir. Ce qui rassure la population locale, qui prend la nouvelle avec calme. Mais est-ce si étonnant? Ainsi, dans Libération, Marx ses mots titre « La Crimée se jette dans les bras de Poutine » et pose cette question « Quelles réponses peuvent donner les Occidentaux ?» Là aussi, les réactions s'enchaînent, parfois contradictoires. Côté US, on gèle les visas et les avoirs des individus dont, je cite, « les activités minent le processus démocratique et les institutions en Ukraine ». En réalité, critiqué pour sa trop grande mansuétude dans le dossier syrien, le président Obama, accompagné de son ministre John Kerry, n'a pas d'autre choix que d'engager avec Moscou un bras de fer censé redorer son blason. Les Européens, eux, sont plus hésitants. François Hollande encourage à exercer ce qu'il appelle la pression la plus forte possible sur la Russie afin de faire baisser la tension. Et Angela Merkel, qui reste l'interlocuteur privilégié du Kremlin, est bien obligée de se déclarer hostile à des sanctions économiques et à un boycott du G8. Foncièrement, elle sait bien que l'Allemagne dépend du gaz russe, importé via le gazoduc Nord Stream 1 et bientôt via Nord Stream 2. Alors, après des dizaines de réunions diplomatiques, l'ONU envoie le 5 mars son émissaire Robert Seri. Sur France Inter, Géraldine Allo raconte cet épisode surréaliste. Oui, alors nous sommes à l'aéroport de Simferopol, la capitale de Crimée, devant le salon d'honneur où l'envoyé spécial de l'ONU, Robert Seri, est retenu par une vingtaine d'hommes en armes. Depuis 15 minutes maintenant, la porte d'entrée de ce salon a été fermée à clé et gardée par des hommes cagoulés. Ces milices pro-russes sont en fait obligées, Robert Seri, à repartir à New York alors qu'il a atterri en début d'après-midi seulement pour une visite qui était censée faire baisser la tension en Crimée. On en est donc très très loin. Robert Seri est actuellement retenu. Il ne peut pas s'exprimer devant nous alors que de nombreux journalistes ont tenté de l'approcher. Il nous a juste dit, nous a juste crié « Don't worry, ne vous inquiétez pas pour moi ». C'est une scène absolument surréaliste qui montre à quel point les milices russes font la loi ici en Crimée. Robert Seri avait déjà annulé une précédente visite samedi pour des raisons de sécurité. Côté russe, aucun commentaire concernant cette séquestration puisque les hommes en armes ne portent pas d'insigne. Aucun signe de désescalade non plus. Comprendre ? Hors de question d'annuler ce référendum qualifié d'illégal par les USA. Car enfin, pour qui se prennent-ils ces impérialistes ? Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ajoute « Nos partenaires occidentaux sont bien conscients que les sanctions sont un instrument contre-productif pour nos intérêts mutuels. » À l'approche du référendum, Moscou accroît un peu plus la tension. Le lundi 14 mars, sous la bannière des défenseurs de Sébastopol, une bande de motards débarque en Crimée. En tête, Alexandre Zaldasnov, un ami biker de Vladimir Poutine. Derrière lui, 7 poids lourds apportent des tentes et des vêtements chauds pour les camarades de la milice. Une belle mise en scène du Kremlin, qui à 3 jours du référendum dirait quelque chose comme « Faites-nous confiance, nous financerons tous vos problèmes ». Comment résister à ces 3 milliards de roubles, soit 60 millions d'euros que Poutine leur réserve ? On a du mal à croire que les autorités russes iront jusqu'au bout, tellement ceci relève du fantastique, conclut Alexei Portansky, professeur à l'école des hautes études économiques de Moscou. Mais pour Poutine, il s'agit d'exister, ce qui n'a pas de prix. Sans quoi, il disparaîtrait dans un monde bipolaire dirigé par la Chine et les USA, son cauchemar. Le jeu en vaut donc la chandelle. Le référendum se tient donc le 16 mars 2014, comme prévu. 1,5 million d'électeurs sont appelés à voter en faveur d'un rattachement à la Russie. Rattachement validé à 95,5%. La Crimée devient donc la 84e province de Russie. Un résultat qui ne laissait guère de place au doute. Preuve en est, à Sébastopol, le drapeau de la Russie claquait déjà dans le ciel. Tout a été si soigneusement préparé depuis Moscou, où les députés de la Douma examinent déjà un texte de loi qui les autorise à englober n'importe quel territoire étranger en cas de défaillance de l'État dont il dépend. En Crimée, le peuple célèbre son retour en Russie. Chers amis, je vous félicite pour cet événement incroyable. On rentre chez nous. La Crimée va en Russie. Dans la nuit, le ciel de Simferopol s'est embrasé pour saluer un vote historique pour ces habitants de la Crimée qui s'apprêtent à quitter l'Ukraine sans regret. On ne peut aller de l'avant qu'avec la Russie. Il n'y a plus rien à faire avec l'Ukraine. L'Ukraine nous a discriminés pendant toutes ces années. Ils nous ont empêchés de parler russe, d'écouter la radio russe et de regarder la télévision russe. Et c'est la même ferveur à Sébastopol, le port d'attache de la flotte russe, où l'on s'affiche volontiers avec le portrait de Vladimir Poutine en regardant des danses folkloriques. Le premier message de félicitations adressé à Vladimir Poutine arrive de Bachar al-Assad, qui sait très bien ce qu'il lui doit. La Chine, elle, s'abstient. Et à Washington, est prise la décision de lancer des sanctions ciblées envers une liste de responsables russes. Leurs avoirs seront gelés et ils ne pourront plus obtenir de visa. Réponse de Vladislav Surkov, l'un des chefs d'orchestre de la stratégie russe en Ukraine. Je ressens de la fierté d'avoir été choisi pour figurer sur la liste américaine. C'est une sorte d'Oscar dans la catégorie du meilleur rôle, second rôle masculin. Ambiance. De son côté, Poutine exulte. Apparaissant sur la place rouge face à un foulant liesse, il célèbre la rectification d'une immense erreur et d'une injustice historique. Et pour ce qui est du droit international, il assure que le peuple de Crimée n'a fait que s'appuyer sur le précédent du Kosovo, que, je cite, « nos partenaires occidentaux ont créé de leurs propres mains », fustigeant ainsi le cynisme étonnamment primitif des Américains et des Européens. Mais parmi les drapeaux brandis par le public, drapeau tricolore, tsariste ou soviétique, un nouvel étendard attire l'attention. Un drapeau blanc orné d'un portrait de Poutine, le poing écrasant un serpent, avec ce slogan « Nous sommes ensemble ». Si ces mots s'inspirent d'une chanson culte du groupe de rock russe Alissa, l'image elle fait référence à une affiche datant des grands procès de Moscou. Conçue en 1937, elle invitait alors à l'éradication des espions, des saboteurs et des agents trotskistes du fascisme. 7 ans plus tard, le pont entre la Russie et la Crimée a bel et bien été érigé, et en un temps record. L'inauguration a lieu le 16 mars 2018, en grande pompe, sous un ciel radieux. C'est un pont à 3 milliards de dollars qui relie désormais la Russie à la Crimée, annexée en 2014. Et avec un art consommé de la mise en scène, c'est Vladimir Poutine en personne qui vient l'inaugurer. Poutine, chauffeur de poids lourd. Le maître du Kremlin prend la tête d'une armada de camions pour parcourir en 16 minutes les 19 kilomètres du pont. À plusieurs moments de l'histoire, même sous le tsar, les gens rêvaient que ce pont soit construit. Ils ont aussi essayé dans les années 30, 40, 50, et grâce à votre talent, ce miracle a eu lieu. Poutine et sa rhétorique qui frôle le religieux. Il est un homme qui a bien compris sa psychologie. C'est Anton Orek, le chroniqueur de la radio russe Echo. Il explique. Poutine a joué sur la corde sensible, sur ce mélange de folie des grandeurs et de complexe d'infériorité, sur notre sentiment de grandeur, alors que justement, ce qui nous manque, c'est la grandeur. On nous opprime, on ne nous aime pas. Le monde entier est contre la Russie. Voilà ce que nous dit Poutine. C'est ainsi qu'en usant du registre émotionnel et de la fascination de son peuple pour les coups de force, Poutine justifie ce qui est impensable du point de vue du droit international. Et dans un seul but, éloigner le danger démocratique et récupérer les pays qui bordent son territoire. Ici, la Crimée, là, le Donbass, demain, la Géorgie, après-demain, dans l'idéal, les pays baltes. Une fuite en avant, dangereuse. Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один со мной. а имена тех, кто здесь лег. Снега таят среди нехоженых дорог. Одна моя здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удач всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles aujourd'hui, la guerre en Ukraine, avec notre invité Pierre Aski, journaliste spécialiste de l'actualité diplomatique, chroniqueur sur France Inter tous les matins à 8h15. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors revenons, si vous voulez bien, à 1991, au moment où l'URSS est démantelée. Qui négocie sur la Crimée? J'imagine les trois anciennes républiques les plus importantes, Russie, Biélorussie et Ukraine. Et qu'est-ce qu'on se dit? Alors, il y a un livre qui a jeté récemment une lumière nouvelle peut-être par le petit bout de la lorgnette, mais qui est toujours intéressante pour la grande histoire. C'est Andrei Gratchev, dernier porte-parole de Mikhail Gorbatchev, qui raconte dans un livre qu'il a publié pour les 30 ans de l'éclatement de l'URSS, une scène qui se passe dans une datcha isolée, juste avant l'éclatement de l'URSS, où les trois présidents des trois républiques que vous avez citées, donc la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, se retrouvent pour, en gros, comploter contre Gorbatchev et faire imploser cet ensemble, chacun rêvant de sa république. Et donc il y a un sauna, il y a de la vodka, il y a une ambiance de complot, et à la fin, le président de l'Ukraine, Kravchuk, dit à Yeltsin, Boris Nikolaevitch, qu'est-ce qu'on fait pour les frontières? Et à ce moment-là, Yeltsin, qui est tellement heureux du mauvais coup qu'il va faire à Gorbatchev, lui dit d'un air généreux, garde la Crimée. Et voilà comment se scelle un moment clé qui aura une des conséquences très graves, puisque en 2014, c'est la Crimée qui est au cœur de l'action de Vladimir Poutine, donc du successeur de Yeltsin. Mais voilà, la Crimée que Khrouchtchev avait offert à l'Ukraine en 1954, ce qui n'avait aucune importance à l'époque, puisque tout le monde était au sein de l'Union soviétique. Donc c'était des frontières internes à l'Union soviétique, même si chacun avait sa république, mais qui tout d'un coup prenait une importance en 91 au moment de l'éclatement de l'URSS, et Yeltsin offre ce cadeau à l'Ukraine. Aux conséquences redoutables. On va écouter un discours de Vladimir Poutine, datant de 2014. Poutine triomphant après avoir signé le traité de rattachement de la Crimée à la Russie. La Crimée est comme un bateau qui, après un voyage long et pénible, est enfin rentré dans son port d'origine. Le temps de chanter l'hymne russe et l'homme fort du Kremlin se retire, plus déterminé que jamais. Quelques heures plus tôt, il avait signé le traité qui attache officiellement, avec effet immédiat, la Crimée à la Russie. Pour rendre ce moment solennel, il a convoqué tout ce que la Russie compte de responsables politiques, économiques et religieux. Une heure de discours très anti-occidental, mais aussi une affirmation, la Russie ne cherchera pas à s'emparer d'autres régions d'Ukraine. Ne croyez pas à ceux qui vous font peur, ceux qui disent qu'après la Crimée vont suivre d'autres régions. Nous ne voulons pas la scission de l'Ukraine, nous n'en avons vraiment pas besoin. C'est saisissant quand même. Oui, il y a deux choses dans ce moment particulier. Le premier, c'est évidemment la célébration du retour de la Crimée dans le berceau russe. Et là, on a vu la popularité de Poutine monter en flèche dans le pays. Parce que il leur a vendu une action sans effusion de sang. Il n'y a pas eu un coup de feu pour reprendre la Crimée. On en se souvient de ces petits hommes verts, comme on les a appelés à l'époque, c'est-à-dire des soldats russes sans identification du pays sur leurs uniformes, qui ont pris le contrôle de la Crimée. Et quelques jours plus tard, le contrôle total, puis un référendum bidon dans la mesure où il est organisé par des forces d'occupation militaire et l'annexion proprement dite. Donc il y a eu cette popularité et de l'autre côté, cette promesse, et on sait aujourd'hui quand même, étape après étape, à quel point Poutine ne respecte pas ses promesses de dire... On prend la Crimée, mais on s'arrête là. Et il pensait que ça allait être aussi simple avec l'Ukraine. Je dis ça parce que il bute sur des difficultés militaires. On parle de 7000 morts russes. Est-ce qu'il s'attendait à ça? Alors, ça ne peut pas être aussi simple pour que pour la Crimée. Déjà, souvenons-nous qu'en 1991, lorsque l'Ukraine donc devient un État indépendant de l'Union soviétique, il y a un référendum en Ukraine. Le seul endroit où le vote a été mitigé. Pour ce référendum d'indépendance, c'est la Crimée. Donc en Crimée, on est à peu près à 50 et quelques pourcents de soutien à l'indépendance. Partout ailleurs, c'est au-dessus de 80%, y compris dans l'est de l'Ukraine, où il y a des populations russes ou russophones. Mmh. Donc la Crimée est déjà un cas à part en termes d'opinion publique en 1991. Donc en 2014, lorsque la Russie prend possession de la Crimée, il n'y a pas de résistance et il n'y a pas d'état d'âme de la population. Ceux qui ne sont pas d'accord se taisent ou s'en vont. Une partie importante de la population de Crimée salue l'arrivée des Russes. Le reste de l'Ukraine, c'est un autre cas de figure. On a un nationalisme ukrainien qui est très vivant, très vivace. Et on a aujourd'hui cette étonnante capacité de résistance. On voit les gens qui prennent les armes, les réservistes qui reviennent, etc., etc. Et là, je pense que soit Poutine s'est auto-intoxiqué par sa propagande, c'est-à-dire cette idée qu'on a un groupe de nazis qui sont à la tête de l'Ukraine et qui sont illégitimes et que tout ça va s'écrouler au premier coup de butoir. Est-ce qu'il l'a vraiment cru? Ou est-ce que il est en train de dérouler sa stratégie, ou effectivement il s'attendait à ce que ça ne soit pas si facile que ça? Oui, il s'attendait aussi, j'imagine, à ce qu'il y ait des sanctions et qu'il se met peut-être dans de sales draps en faisant ça. Est-ce qu'il aurait perdu une part de son discernement? Certains observateurs le disent. Alors, Emmanuel Macron, quand il l'a rencontré à Moscou lors de son voyage juste avant la guerre, est revenu sous ce choc-là en disant « il a changé ». Il l'avait pas vu depuis 2019, puisque pendant toute la période du Covid, Vladimir Poutine s'est complètement isolé. Et donc, il y a ce discours où on le voit paranoïaque et isolé et humiliant ses officiers supérieurs et son entourage immédiat. Il y a eu cette scène célèbre lorsqu'il réunit le Conseil de sécurité russe. Donc il a tous les principaux dirigeants du pays devant lui. Il est comme un maître d'école derrière son pupitre. Et il demande à chacun de se prononcer sur la reconnaissance des deux républiques séparatistes. Et tout d'un coup, on a à la télévision russe le chef des services de renseignement militaire, quand même un haut personnage dans un régime comme celui-là, qui bafouille, qui ne sait pas ce qu'il faut répondre, et Poutine le traite comme un enfant de 5 ans qui ne sait pas répondre au tableau noir. Et là, c'est étonnant parce que ça montre qu'il n'y a pas de contre-pouvoir dans ce pays, qu'il n'y a pas un chef des services de renseignement. Sa fonction, c'est d'aller voir le patron et lui dire « peut-être que c'est une mauvaise idée, peut-être qu'on ne devrait pas faire ça ». En Russie, ça n'est pas possible aujourd'hui. Personne n'a cette capacité. Pierre Aski, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté « Chien noir, lumière bleue ». une seule fois. C'est juste une nuit comme ça. C'est juste ton corps que je soulève. De l'or au coin des lèvres. C'est juste que j'y pense encore un peu. À nos ombres dans la lumière bleue. C'est juste ta peau contre la mienne. Des mots qui me reviennent. Je te vois loin la bouche. C'est juste nos lèvres qui se touchent. C'est juste que je cherche encore tes yeux. Je cherche encore tes yeux. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Pierre Aski, certains disent que la guerre n'a pas tout à fait commencé ou qu'elle ne fait que commencer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Vladimir Poutine a une vision d'ensemble. Il n'est pas en train de faire un coup. Et d'une certaine manière, si on reprend les 10 dernières années, il y a une cohérence dans sa démarche. Et donc, il est en train de se reconstituer cette sphère d'influence autour de la Russie. Il est en train d'avaler la Biélorussie. La Biélorussie a été énormément affaiblie par l'élection ratée de Loukachenko il y a 18 mois, les sanctions internationales, etc. Et Loukachenko est aujourd'hui pieds et poings liés devant Poutine. Donc la Biélorussie, et on l'a vu, elle participe aujourd'hui à cette agression contre l'Ukraine, alors qu'elle avait un statut de neutralité précédemment. Donc la Biélorussie est avalée. L'Ukraine est au cœur de la guerre. Il y a ces enclaves russes où il y a des troupes russes en Transnistrie, en Moldavie, en Abkhazie, en Ossétie du Sud. Et donc on a cette vision d'ensemble qui est cohérente. Qui est cohérente du point de vue de Moscou. Et donc, on n'est pas dans quelque chose qui s'est déclenché spontanément parce qu'il y a eu un incident. Il y a des guerres qui démarrent comme ça. Un incident de frontière et puis ça part. Là, c'est prémédité. Là, on a quelque chose, on a un plan qui se déroule. Et d'ailleurs, la manière dont il l'a fait, on a eu un première mobilisation de troupes russes au printemps 2021. Tout le monde s'est inquiété, etc. Puis ça s'est dégonflé. Et de nouveau, à l'automne, on commence à voir des troupes russes qui s'amassent aux frontières pour des manœuvres, etc. Et tout le monde se dit, oui, bon, il bluffe parce que il l'a déjà fait il y a 3 mois. Et là, donc on voit bien que Poutine a une vraie stratégie à la fois de psychologique dans la pression et la manière d'agiter l'arme nucléaire aujourd'hui, etc. Donc il joue sur tous les registres de la psychologie internationale parce qu'il nous connaît, il sait que nous avons peur, il sait que nous ne sommes pas prêts à la guerre, que l'Occident aujourd'hui a traversé une telle période de paix, que l'Europe s'est construite sur cette idée de la paix, qu'on n'est pas prêt au retour de la guerre. Emmanuel Macron parlait dans son intervention à la télé du retour du tragique. C'est quelque chose de fort qui ne correspond pas à nos modes de vie, à nos modes de pensée, en Europe occidentale en tout cas, depuis des décennies. Est-ce qu'on peut penser que si Poutine arrive à annexer la côte sud de l'Ukraine, et c'est là où il est le plus avancé d'ailleurs, ensuite il se retirera et ce sera la fin de ce tragique? Il y a plusieurs hypothèses, plusieurs scénarios de fin de guerre d'une certaine manière. Et celui-là en est un, c'est-à-dire la reconstitution de ce qu'on... C'est un plan qui a existé à un moment, qui a été mis en avant, qui s'appelle la Novorossiya, la Nouvelle Russie, qui serait l'annexion d'une bande qui va de Kharkov ou Kharkiv en ukrainien dans le nord de l'Ukraine, qui reprend le Donbass, qui va le long de la côte, qui relie le Donbass à la Crimée, puis à la Transnistrie en Moldavie. Alors il faut regarder une carte pour bien comprendre, mais qui aurait comme impact de priver l'Ukraine d'accès à la mer, ce qui est considérable, et on rentre là dans le vieux fantasme russe de l'accès aux mers chaudes, qui est l'un des points centraux de la construction de la Russie. On remonte là à Pierre le Grand, à Catherine II, etc. Et de l'autre côté, on laisse une Ukraine ruinée, détruite par la guerre, à laquelle quel est l'avenir de cette Ukraine? Est-ce qu'on lui met un gouvernement fantoche? Andrei Kourkov, qui est un écrivain ukrainien, a parlé de la biélorussisation de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on mettrait un Loukachenko à la tête de l'Ukraine, à la tête de cette Ukraine ruinée, pour bien tenir le pays. Ça fait deux pays vassaux. Et la partie utile et utile à plusieurs points de vue, mais en particulier par l'accès à la mer, reviendrait à la Russie. Et là, c'est totalement inacceptable pour les Ukrainiens d'aujourd'hui, mais ça ne peut se faire qu'au cas de victoire militaire. Et cette victoire militaire, elle est compliquée dans le contexte à la fois de la résistance ukrainienne, mais aussi surtout des sanctions internationales qui frappent très durement aujourd'hui la Russie. Merci infiniment, Pierre Aski, et à lundi, sur l'antenne de France Inter à 8h15. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Laurent Baudouin et Jérémy Kaufmann. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Cara, Sophie Bobert et Simon Maisonob. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Flora Bernard et Stéphane Gaume. À suivre, bien sûr, sur France Inter, Antoine Decaune pour Podcast, puisque nous sommes vendredi.